بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في تجريد التوحيد المفيد سائلين الله جل وعلا الثبات والإخلاص في القلب والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين أحدهما ظنهم بالله ظن السوء والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سودا وخلقهم عبثا ولا قدره حق قدر من نفع عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. Donc ça on l'a évoqué dans la dernière assise, donc on va continuer inshallah et on reprend où on s'était arrêté. Donc ce que je viens de lire, on l'avait déjà évoqué dans la dernière assise. Et donc l'auteur nous parle de deux choses, de base et de cause essentielle de l'émergence de certaines doctrines et dérives qui ont émergé. Et il dit ces deux causes, la mauvaise pensée envers le Créateur, le mauvais préjugé, le mauvais soupçon envers le Créateur, et la deuxième cause, du fait qu'il n'a pas été estimé à sa juste valeur. Les deux causes. La première cause, ce qu'on appelle su'adhan, le mauvais préjugé envers le Créateur, la première cause. Et deuxièmement, le fait qu'il n'a pas été estimé à sa juste valeur, conformément à un passage dans le livre saint, dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma qadarullaha haqqa qadri » et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur ensuite donne des exemples. Et donc là, dans ce passage, il traite, il explique le sens de ne pas avoir estimé le Créateur, Allah Azza wa Jal, à sa juste valeur. À sa juste valeur. Et il dit par exemple, celui qui pense qu'Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé de messager, ni descendu de livre, et a laissé la création, ses créatures, ses serviteurs, comme cela, sans qu'il y ait un objectif et un but pour la création, et qu'il leur a donné justement un but, la cause pour laquelle ils vivent sur cette terre, ça c'est ne pas avoir estimé par exemple le Créateur à sa juste valeur. Il dit aussi « Wala qadarahu haqqa qadri man nafa' umum qadrati » et ne l'a pas estimé aussi à sa juste valeur, celui qui a, il dit, nié d'une manière générale et globale la puissance du Créateur et le pouvoir du Créateur. وَتَعَلُّقَهَا بِأَفْعَالِ عِبَادِهِ مِنْ طَاعَتِهِمْ وَمَعَاصِهِمْ وَأَخْرَجَهَا عَنْ خَلْقِهِ وَقُدْرَتِهِ. Et ce passage-là, lorsqu'il dit cela, il fait allusion au négateur du destin, à ceux qui ont été nommés et appelés Al-Qadariya, ceux qui ont été extrémistes dans l'affirmation fi ithbati qudrati al-'abd, dans l'affirmation de la capacité du pouvoir du serviteur. De sens ja'aluhu yakhluqu fi al-nafsi, de sorte que eux, ce qu'on appelle nufat al-qadr, les négateurs du qadr, qui ont été nommés déjà dès les premiers siècles de l'islam, Al-Qadariya. Comme on avait cité, on avait fait allusion à cette doctrine, cette dérive qui est apparue déjà à la fin de l'ère des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans les premiers siècles de l'islam. Et eux donc, en niant le destin, donc quelque part, ils nient le pouvoir, ce qu'on appelle Qudratullahi Azza wa Jal, le pouvoir et la puissance du Créateur. Et on remit cela aux serviteurs. De sorte qu'ils ont attribué aux serviteurs, justement, Ja'aluhu yakhluqu fi'la nafsi. Au serviteur, le fait que lui-même, il crée ses propres actions. Que l'être lui-même crée ses propres actions. Wa anna Allah lam yurid wa lam yuqaddir fi'la. Et que Allah Azza wa Jal, lui, n'a pas voulu et n'a pas prédestiné ses actions. C'est-à-dire ces actions-là qui se produiront à travers les actes des serviteurs et des êtres. C'est ça un peu la doctrine et la croyance de ce qu'on appelle, qui ont été appelés Al-Qadariya. Et comme on avait cité dans le hadith, il est cité dans un récit qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a une réflexion sur l'authenticité. Beaucoup de savants l'attribuent d'une manière plus authentique à un compagnon du prophète, lorsqu'il est dit Al-Qadariya Majusu Hadihi Al-Umma. Majusu Hadihi Al-Umma. Al-Qadariya. Et donc là, l'auteur sous-entend Al-Qadariya, que le serviteur, en réalité, il a la volonté d'agir et il agit indépendamment de la volonté du Créateur, Subhanahu wa Ta'ala. Alors que Allah Azza wa Jal est le Créateur de tout. C'est pour ça qu'on avait déjà expliqué dans notre croyance au destin et au décret du Créateur, d'Allah Azza wa Jal, on doit croire en la création. C'est-à-dire qu'Allah est le Créateur de toutes choses. Khalaqa kulla shay. Khalaqa kulla shay. Subhanahu wa Ta'ala huwa khaliqu kulli shay. Allah est le Créateur de toutes choses, même les œuvres de ses serviteurs, même les actes. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et ce que vous faites aussi. Et donc ça fait partie de notre croyance en tant que croyant. C'est la croyance des musulmans et des musulmanes, le fait de croire au destin. Donc ici l'auteur fait allusion à Al-Qadariya, comme on l'a dit précédemment, cette doctrine qui est apparue dans les premiers siècles de l'islam à la fin de l'ère des compagnons. Et comme on avait déjà dit, l'un des leaders, justement l'un des premiers qui a parlé sur cela et qui a justement propagé cette dérive, qui était en Irak, c'était Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Mais lui-même a pris cette croyance d'un homme qui était considéré comme, à la fin, un infiltré. Comme un infiltré, il a pris cette croyance-là, c'est-à-dire la négation du destin. C'est pour ça qu'on voit, comme on l'a relaté dans des assises précédentes, que dans le célèbre hadith nommé le hadith de Jibril, rapporté par l'imam muslim authentique, lorsque Jibril alayhi salam est venu avec l'apparence d'un homme, il est venu à l'apparence d'un homme, alors que le prophète Ansem était assis, était en compagnie de ses compagnons. Et Jibril interrogea le prophète Ansem au sujet de l'islam, au sujet de la foi, de l'iman et au sujet de l'ihsan, de l'excellence. Et il interrogea au sujet de l'heure aussi, des prémices et des signes de l'heure. Pourquoi Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, interrogea le prophète Ansem au sujet de ces questions? Pour enseigner aux compagnons. Pour enseigner aux compagnons. Et eux, les compagnons, ne savaient pas que c'était l'ange Gabriel, l'ange Jibril, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Eux, ils ne savaient pas. Mais à la fin, lorsqu'il s'en alla, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, savez-vous qui est-ce qui est venu m'interroger? C'est des questions importantes au sujet de l'islam, de l'iman et de l'irsan. C'est des questions très importantes. Pour cela, on voit, ce hadith, il faut l'apprendre, le mémoriser et le comprendre. Pourquoi? Parce que Jibril est venu interroger le prophète pour que les compagnons apprennent la religion, ainsi toute la nation et toute la communauté musulmane. Et donc, Jibril a posé les questions que tout musulman doit savoir, qu'il faille connaître. En l'occurrence, l'islam, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna que l'islam, il y a 5 piliers, en l'occurrence la foi, l'iman, et le prophète enseigna qu'il y a 6 piliers, dont le 6e est la croyance au destin. Pour ça j'ai relaté ce hadith, dont le 6e c'était la croyance au destin. Donc ça fait partie des piliers de la foi. Donc le musulman et la musulmane, eux croient au destin. Donc la négation du destin s'est apparue, comme on l'a dit précédemment, déjà au début ou à la fin de l'ère des compagnons du prophète. L'auteur, lorsqu'il dit ولا قدره حق قدري من نفى عموم قدرتي وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم. Là, il sous-entend justement نفات القدر القدرية وأخرجها عن خلقه قدرتي عن خلقه وقدرتي. Deuxièmement, ensuite il dit ولا قدر وما قدر الله حق قدري الضاد هؤلاء كما قال قال ولا قدره حق قدري الضاد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه وتعالى. Et là, l'auteur, lorsqu'il dit cela, il donne un autre exemple de « et ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur, Allah à sa juste valeur ». Vous avez vu, donc là, l'auteur donne des exemples. Il a fait allusion à la doctrine de l'Qadariya, le fait qu'ils ont pensé comme cela, c'est qu'ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur, ici de ne pas avoir cru en sa puissance et son pouvoir de manière totale. Et on nie la généralité de cela. Lorsqu'ensuite il dit وَلَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي أَضَّادُ هَؤُلَا, là il va sous-entendre نَقِيد الْقَدَرِيَّ, l'inverse et l'opposé de l'Qadariya. C'est une doctrine qui fut appelée et nommée Al-Jibriya, comme on l'avait bien cité dans une assise précédente. Al-Jibriya. Eux, à l'inverse, des négateurs du destin et de la prédestinée, eux, ils ont affirmé le destin avec excès et exagération, et ont fait preuve d'extrémisme en cela. D'ailleurs, les deux pensées, les deux doctrines qui ont émergé dans les premiers siècles de l'islam sont des doctrines extrémistes dans leur croyance. Al-Jibriya, c'est l'inverse. Pour eux, alors que Al-Qadariya, les Nufat Al-Qadar, eux considèrent que tout revient au serviteur, et donc le pouvoir, ils le font revenir et l'attribuent au serviteur. Donc le serviteur veut, fait, indépendamment de la volonté du Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est à la base. Et c'est lui donc qui crée ses actes. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est de dire, en fait, l'individu, il est contraint. Il n'a pas de libre arbitre. Ce qu'il fait, il n'a pas le choix. C'était prédestiné, c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé cela. Ce qu'il fait, il n'a pas le choix, il est contraint. Donc, il nie la volonté du serviteur et donc le libre arbitre. Le libre arbitre. Alors que dans notre religion, la position modérée et médiane, le juste milieu, al-wasatiyya, ce qu'on appelle al-wasatiyya, c'est de savoir que rien se fait sans la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah est le créateur de tout, et même de nos œuvres. Sauf que, on ne saurait vouloir sans sa volonté. Lorsque Allah Azza wa Jal nous a attribué le libre arbitre, et nous a doté d'un libre arbitre, d'une capacité de pouvoir choisir ce que l'on fait. Donc lorsqu'on fait quelque chose, on choisit de faire cette chose-là. Et donc Allah Azza wa Jal nous a doté de cela. On a le choix. Celui qui veut faire le bien, fait le bien. Celui qui veut suivre le chemin du mal, il choisit le chemin du mal. Allah lui a donné la capacité de pouvoir choisir. Mais on considère que la personne ne saurait vouloir sans qu'Allah Azza wa Jal le veut. Tout ce qui se passe dans son royaume, Allah, rien ne peut se produire sans qu'il en ait la volonté, subhanahu wa ta'ala, et sans que cela ait été prédestiné. Ça a été prédestiné et inscrit 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que lorsque Allah, Azza wa Jal, a créé les cieux et la terre, 50 000 ans avant la création de celle-ci, Allah, Azza wa Jal, avait déjà tout prédestiné, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a la science infinie. Et sa science, le savoir de notre Créateur, n'a pas été précédé par une ignorance. Contrairement à ses créatures, nous, pour savoir, pour acquérir la connaissance et pour connaître, notre connaissance est précédée. Et précédée de quoi? De l'ignorance. Donc on apprend, ensuite on connaît. Mais Allah Azza wa Jal, lui, a toujours su. Et il saura toujours. Et Allah a la connaissance de tout, subhanahu wa ta'ala, avant même qu'elle se produise. Avant même qu'elle se produise. Les négateurs du destin, dans leur extrémisme, ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal a la connaissance de l'action après qu'elle se soit produite. Et ça, c'est une hérésie. Allah Azza wa Jal, pour nous les musulmans, Allah a la connaissance des actions avant même qu'elles se produisent. C'est ça la science infinie du créateur subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le premier degré dans la croyance au qadr. On croit en sa science et en son savoir infini. Subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tout simplement, il faut croire en ce qu'on appelle ilmullah ou al-alim. Parmi les noms sublimes d'Allah, al-alim. Celui qui a al-alim, souvent traduit par l'omniscient. Allahu a'lam ensuite sur la traduction. Est-ce qu'elle convient ou non? Allahu a'lam, l'omniscient, c'est-à-dire celui qui a la connaissance infinie. Cette connaissance parfaite. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-alim, ça fait partie de ses noms sublimes. Donc tout nom sublime sous-entend, induit un attribut. Entre autres, al-alim, ça sous-entend l'attribut de al-ilm, l'attribut du savoir, de la connaissance. Et donc, notre croyance, nous, on croit qu'Allah azzawajal, parmi ses noms sublimes, c'est al-alim, il a la connaissance de tout, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour cela qu'Allah azzawajal, pour bien comprendre ce qui se passe dans cet univers, et pour bien comprendre la question du destin, il faut croire absolument, absolument. Le croyant, la croyante croit en la science infinie d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que toi, avant de faire une chose, de choisir, Allah Azzawajal t'a donné la capacité de choisir. Donc tu as deux chemins face à toi. Si tu veux choisir ce chemin, ou ce chemin-là, tu as un libre arbitre, Allah t'a doté d'un libre arbitre, et du choix. L'ikhtiyar, tu peux choisir. Sauf que Allah Azzawajal sait à l'avance ce que tu vas choisir. Subhanahu wa ta'ala. Allah à l'avance sait si tu vas choisir le bien ou tu vas choisir tel chemin. Allah a la connaissance de cela. Pour cela, ça a été inscrit. Mais est-ce que tu es contraint de faire cela? Tu n'as pas de libre arbitre et de choix, comme c'est la croyance de la doctrine de Al-Jibriyah. Ça, non. Pourquoi? Parce qu'Allah ne peut pas te punir pour une chose dont tu es contraint et dont tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas de libre arbitre. Ça ne fait pas partie de sa justice. Regardez, c'est ce que l'auteur ici explique ou dit. Plutôt, regardez lorsqu'il dit. Vous allez mieux comprendre. « وَلَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِ الضَّدُ هَؤُلَا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ يُعَاقِبُ عَبْدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْحَلَ » Ils n'ont pas, regardez l'auteur ce qu'il dit, ils n'ont pas estimé le Seigneur à sa juste valeur en pensant que le Seigneur allait punir un serviteur pour ce qu'il n'a pas fait. Le Créateur ne peut pas te punir pour ce que tu n'as pas fait. Si le serviteur fait une faute, c'est qu'il a choisi de faire cette faute. C'est lui qui a choisi. Sauf que, lorsque le serviteur a choisi de faire la faute, le péché, de désobéir à son créateur, ou bien de lui obéir, tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science immense et infinie et parfaite, qui ne sied qu'à sa majesté, comme il convient à sa majesté et sa magnificence, subhanahu wa ta'ala. Et donc, sa science est incomparable. On ne peut pas comparer le créateur aux créatures. La science de la créature, des êtres humains, est en aucun cas comparable à la science du créateur, subhanahu wa ta'ala. Ça dépasse tout entendement. Notre raison ne peut s'imaginer l'immensité, la perfection de la science d'Allah. Donc Allah a la connaissance de ce que tu vas choisir, ce que tu vas faire. Mais il te laisse choisir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut, Allah dit, qu'il croit, et que celui qu'il veut, qu'il m'écroit. Qu'est-ce qu'il est dit en termes littéralement dans le verset? Famencha. Celui qui veut. Famencha. Donc, est-ce que la volonté de l'être humain est confirmée dans le Coran? Elle est confirmée. Allah confirme que tu as une volonté. Wamatasha'una illa ayyasha Allah. Et vous ne sauriez vouloir, vous ne pouvez vouloir sans qu'Allah Azza wa Jal le veut. Allah confirme que l'être humain, le serviteur, il a une volonté. Il a la capacité de choisir. Sauf que La tendance de Al-Jibriya, par exemple, eux disent non. Et ça, c'est apparu dans les premiers siècles. Dans les premiers siècles. Et c'est pour cela qu'il faut être très vigilant. Pourquoi ? Parce que parfois, lorsqu'on veut répondre à un extrême, on n'est pas à l'abri soi-même de tomber dans un autre extrême. Ça, c'est testé, expérimenté dans le passé, dans l'histoire de l'homme. Souvent, des doctrines, lorsqu'elles ont émergé, la cause c'était qu'ils voulaient réfuter un extrême. Et eux-mêmes sont tombés dans un autre extrême. Et la religion, c'est toujours d'être dans la position médiane du juste milieu, ce qu'on appelle « al-wasatiyya ». وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et Allah dans le Coran nous dit, et c'est dans la sourate la vache, Al-Baqara, et comme cela on vous a fait une communauté du juste milieu. Et donc ensuite, le serviteur, il faut qu'il croie en cela, et ensuite il va comprendre beaucoup de choses qui se passent dans cet univers, et qui le touchent personnellement. Il se dit, toute chose est écrite de sorte, bien sûr, parce que Allah Azza wa Jal, c'était écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, parce qu'Allah a la connaissance de tout. Alors lorsqu'il a créé Al-Qalam, la plume, Allah il a dit à la plume, Uktub, écris. La plume a dit, mais qu'est-ce que j'écris ? Et Allah ordonne à la plume d'écrire tout ce qui va se produire sur terre. Tout ce qui va se produire. Et donc ça a été, Allah Ketab, il l'a prescrit, cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ensuite, Ikhtalaf al-Ulama, les grands savants de l'islam, ont divergé. En ce qui concerne la première création, pourquoi ? Parce que dans le hadith, il est dit « Awwalu ma khalaqa Allahu wal qalam ». La première chose qu'Allah Azza wa Jalla a créée, c'est « al-qalam », la plume. Il lui a dit « Uktub ». La plume a dit « Mais qu'est-ce que j'écris ?» Et là, Allah lui dit « Uktub al-maqadir ». Toute chose, tout ce qui est prédestiné qui se produira sur terre. Vous savez, c'est lorsqu'on médite, c'est ça la science du tawhid. La science de l'unicité. C'est ça, lorsque on a une bonne croyance. Regardez, on vient au terme, ce qu'utilise là, vous allez comprendre pourquoi l'auteur parle de ça. Lorsqu'on estime le créateur à sa juste valeur. Il est en train d'expliquer cela. Ils n'ont pas estimé le créateur à sa juste valeur. Mais lorsqu'on l'estime à sa juste valeur, regardez, c'est-à-dire là, il donne des exemples, entre autres, les négateurs du destin, Al-Qadariya, l'une des premières doctrines qui est fausse, qui est apparue dans le monde musulman, dans les premiers siècles, on l'a dit à la fin de l'ère des compagnons, à l'époque des petits compagnons, comme Abdal ibn Abbas, Abdal ibn Omar, Anas ibn Malik, et autres. Al-Jibriya, qui viendront plus tard, eux qui affirment avec extrême, n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Parce qu'ils n'ont pas compris, n'ont pas médité. Mais regardez lorsque vous vous imaginez. Dans le sens, en ce qu'on dit, s'imaginer, méditer. Vous méditez que toute chose, Allah Azza wa Jal, l'inscrit, la prescrit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous dites que votre assise, à ce moment-là, bien précis, à cet instant précis, on se fait un rappel. Fi bayt min buyutillah, dans une demeure parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal. C'était inscrit. Là que vous soyez assis, en ce temps, en cette année, en ce jour, en cette heure-ci, et que chacun d'entre vous, vous êtes dit, ben, entre la prière du Maghrib ou l'Isha, la prière du Maghrib ou l'Isha, je vais venir m'asseoir dans une demeure parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal, je vais écouter un rappel. C'est inscrit. Ok, fala. Et comment douter de cela ? Allah a la connaissance de tout. Allah, sa science, on ne peut s'imaginer. Notre raison, elle est limitée. Mais, en aucun cas, on doute du savoir infini d'Allah. Mais c'est ça le nom d'Allah. Al-Alim. Al-Alim. Il a la connaissance de tout. Al-Khabir. Al-Khabir, c'est celui qui est informé de tout. Allah, il est informé de tout. Il a la connaissance de tout. Donc, par contre, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, il te facilite le droit chemin. C'est-à-dire que si en toi, tu as de la sincérité et tu veux faire le bien. Par exemple, tu penses, tu te dis, entre la prière du Maghrib et du Isha, tu as bonne intention, je vais m'asseoir, je vais attendre une prière, tu recherches que la satisfaction et la face d'Allah Azza wa Jalla. Tu viens dans une demeure d'Allah que pour Allah Azza wa Jalla. Chacun d'entre nous est ici, on espère qu'Allah fasse de nous des gens sincères. On n'est pas venu pour un intérêt mondain. On n'est pas venu pour qu'un tel, ils disent, pour faire montrer qu'on était là, qu'on est venu dans une mosquée, pour prier, pour faire montrer. Chacun d'entre nous, on espère qu'il en soit ainsi, on est là pour le Créateur des cieux et de la terre. On est là pour notre Créateur, pour la satisfaction de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Si Allah sait qui, tu cherches le bien, tu veux le bien, Allah va te faciliter. C'est ça, taysir, ala al-yusr. C'est ça. C'est ça. Allah te facilite le bien. Par contre, si tu veux le mal et tu cherches l'égarement, Allah peut te faciliter la voie de l'égarement. Et si Allah t'égare, nul ne pourra te guider. Par contre, si tu cherches le bien, la voie de la guider, Allah te rajoute en guider. Allah te rajoute en guider. Mais la justice immense et infinie du Créateur implique qu'il ne peut en aucun cas punir son serviteur pour une chose qu'il n'a pas voulu, il a été contraint de faire. C'est pas lui qui a choisi. C'est pas possible. En d'autres termes, tout simplement, il faut juste, lorsque Shaitan, le Satan, vous ramène à l'esprit une question liée au destin, faites revenir toujours cela à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on dit que c'est maktoub ? Parce qu'Allah a tout prescrit. Pourquoi Allah a prescrit ? Parce qu'il a la connaissance de tout. Est-ce qu'Allah t'a forcé ? T'as pas forcé. Quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui sème la corruption sur terre, qui est injuste, qui fait de l'injustice, Allah Azza wa Jalla l'a pas forcé. C'est lui qui a choisi cela. Celui qui fait le bien, c'est l'individu qui a choisi. Sauf que lorsqu'on décide de faire le mal, la personne ensuite, a fortiori, peut être égarée. Et celui qui décide de faire le bien, s'il y a un bien en lui, Allah peut lui faciliter. Il lui facilite l'accès au bien. Mais Allah Azza wa Jal, pourquoi tout est inscrit ? Parce qu'il a la connaissance de tout. Il faut toujours faire revenir à la science d'Allah Azza wa Jal infinie. Et comme cela, notre esprit est clair et on comprend les choses. Ensuite, en se disant, par contre, ce qu'il faut savoir, le destin, vous ne pouvez pas y pénétrer complètement. Et vous ne pourrez jamais comprendre complètement. Pourquoi ? Parce que c'est le secret d'Allah. Al-Qadr, sirr. C'est un secret. Sirrullah. C'est le secret d'Allah. Si vous essayez d'empiéter, de pénétrer, de vous infiltrer dans ce domaine, en pensant tout comprendre et avoir la conception de tout, vous allez vous égarer. Pourquoi ? Parce que notre raison est limitée. Et notre Créateur nous teste. Il teste notre croyance. Sauf que, comme on l'a dit précédemment dans de nombreuses assises, Allah n'est pas questionné pour ce qu'il fait. Mais les êtres humains seront questionnés. On n'interroge pas le Créateur pourquoi il a fait ci, ça comme cela. Ou il a fait cela comme cela. On n'interroge pas. La yus'alu an ma yaf'al. Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Et ça, vous savez, si vous apprenez ce verset, c'est un verset. Hein, car Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Ça va vous apaiser, vous apporter une tranquillité. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous regardez la majorité des doctrines et des dérives qui ont émergé et qui sont apparues, beaucoup, beaucoup, c'est dans leur incompréhension du qadar. Et beaucoup de gens qui vivent sur terre, qui ne comprennent pas comment est administré et géré cet univers, c'est qu'ils n'ont pas compris Al-Qadr. Et regardez, beaucoup de gens, par exemple, qui voudraient croire en leur Créateur, lorsqu'ils ont des questions, vous allez voir, souvent, c'est des questions liées au destin et au Qadr. Mais pourquoi n'y aurait-il pas cela et cela ? Et pourquoi Allah n'a pas fait comme cela ou cela ? Pourquoi le Créateur a fait comme ceci, comme cela ? Regardez, c'est sur le Qadr, ils interrogent le Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Or nous, les croyants, pour nous, on sait que c'est un domaine défendu. Allah nous a enseigné, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'il faut savoir au sujet du qadar. Mais celui qui essaye de dépasser cela, de s'infiltrer, de pénétrer dans des eaux défendues, il va connaître la dérive et l'égarement. C'est le secret du Créateur subhanahu wa ta'ala. Il administre et gère cet univers, car il en est le maître subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, là, dans une première lecture, l'auteur, certaines choses, ne les cite pas directement, mais c'est à comprendre. Là, par exemple, que dans la première phrase, il fait allusion au qadariya, ça c'est à travers l'explication des savants. La deuxième, là, il fait allusion à al-jibriya, lorsqu'il dit si bien, « Innahu yu'aqib abdahu ala man lam yaf'al » Bel yu'aqibu ala fi'alihi huwa subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Allah ne pourra pas punir un serviteur pour une chose qu'il n'a pas faite, qu'il n'a pas voulu faire. Mais il est puni pour une chose qu'il a fait, qu'il a choisi de faire. Avec toute connaissance. Wa idha istahala fil 'uquli an yujbara sayyidu 'abda 'ala fi'lin thumma yu'aqibuhu 'alayhi, fa kayfa yasdur hadha min a'dalil 'adilin. Regardez ce qu'il dit, pour bien nous faire comprendre cela. Il dit, et si on connaît l'impossibilité qu'un maître impose une chose à son serviteur, à son sujet, ensuite, il va le punir pour cette chose-là. C'est pas juste. Imaginez-vous, par exemple, bon, à l'époque du prophète, comme on l'avait dit, il avait cette notion d'esclavage, il y avait en ce temps-là. Par exemple, aujourd'hui, pour mieux comprendre l'exemple, un chef d'entreprise, il dit à son employé de faire telle et telle chose, donc il le contraint à faire telle et telle chose, et puis une fois qu'il fait telle et telle chose, il dit, bah, je te mettrai un avertissement et tu seras licencié pour ce que tu viens de faire, c'est une faute grave. C'est lui qui lui a dit de faire. Il l'a contraint. Il n'a pas voulu faire l'employé, mais il a été contraint de faire. Est-ce que ça serait juste? Non. En aucun cas, ça serait juste. Comment on peut penser ça alors pour Adel al-Adilin, pour le plus juste, qui est le Créateur subhanahu wa ta'ala? Impensable. C'est pour ça que la doctrine de Al-Jibriya, elle n'est pas ma'akoula. Elle n'est pas raisonnable. Que, ainsi, l'inverse aussi de Al-Qadariya. Et c'est ce que l'auteur dit. Wa qawlu ha'oula sharrun min ashbah al-majusi. Al-Qadariya al-Azallin. Ajib. Et l'auteur dit, et leur parole est encore plus mauvaise, plus immonde que la parole de Al-Majus et la pensée de Al-Majus et Masdir, comme on avait expliqué cette doctrine dans des assises précédentes. Al-Qadariya al-Azallin. Donc il dit, cette pensée-là est encore plus immonde que celle de القدرية المجوس القدرية قال ولا قدره حق قدري من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمة مطلقة وحكمته مطلقا وحقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا بل أفعاله مفعولة منفصلة عنه. Et regardez ensuite, il va dire, et n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Donc vous avez vu, c'est des exemples hein, concernant le fait d'estimer le Créateur à sa juste valeur. Il donne un autre exemple. N'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur, il dit littéralement, je vous traduis littéralement ce qu'il dit l'auteur, ceux qui ont nié la miséricorde et l'agrément de celui-ci, c'est-à-dire d'Allah. Ceux qui ont nié la miséricorde. Il dit deux termes en arabe. Rahmata wa rida. Sa miséricorde et son agrément, sa satisfaction. Le fait que Allah Azzawajal peut être satisfait. Et Allah, c'est confirmé pour lui, sifat rida. Radiallahu anhum wa radu an. Allah a agréé, ils étaient satisfaits des compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Fallah yarda. Allah agrée. Et est satisfait. Et Allah aussi a l'attribut de la miséricorde. Qu'est-ce que veut dire l'auteur par là? Regardez ce qu'il dit. Kadalika, dans le sens, il veut dire, dans le char, Kadalika ma qadar Allah, ou qadar Allah, haqqa qadri, man nafa anhu l'asma wa sifat. Ici, l'auteur sous-entend que ceux qui ont nié les noms sublimes du Créateur et les attributs de perfection, en réalité, n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Vous allez vous poser la question. Nier les attributs sublimes, les noms sublimes et les attributs de perfection. Alors qu'Allah Azzawajal dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا. Et Allah appartient à les noms sublimes, invoquez-le par ses noms sublimes. Allah confirme qu'il a des noms. Sinon, lorsqu'Allah Azzawajal, souvent à la fin des versets, lorsqu'Allah nous dit que وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْوَدُودُ الْغَفُورُ الْغَفَّارُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. C'est quoi tout ça? C'est des noms. C'est des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, Al-Samad, Al-Ahad, Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir. Tout ça, c'est des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc vous vous dites, mais comment des musulmans peuvent nier des noms sublimes qui sont confirmé dans le Coran. Eh, Naram, ça s'est fait. Dans les premiers siècles de l'islam, pareil, des doctrines sont apparues. En l'occurrence, on avait déjà fait allusion à celle-ci. Al-Jamia sont apparues et ont nié les noms sublimes d'Allah, Azza wa Jal. Ensuite, après eux, sont venus d'autres. On dit, on accepte, on affirme les noms sublimes du Créateur, mais on nie les attributs. Pourquoi? Parce que chaque nom découle de chaque nom un attribut de perfection. Lorsqu'on dit qu'Allah est miséricordieux, ça sous-entend l'attribut de la miséricorde. Il est Samir, celui qui entend tout, ça sous-entend l'attribut de l'audience, c'est Sama. Allah Azza wa Jal huwa al-alim, ça sous-entend l'attribut de al-ilm. Allah huwa al-qadir, ça sous-entend l'attribut de al-qudra. Wa hakada. Et donc l'auteur fait allusion à ceux qui ont nié les noms sublimes et les attributs de perfection, en pensant qu'en niant, ils attribuent la perfection et affirment la perfection au Créateur. Et là, ça nous donne un exemple que Shaitan, parfois, il dirige et mène vers la dérive des serviteurs qui veulent le bien, mais Shaitan leur ouvre des portes du mal. Alors, lorsqu'on tombe dans une forme de dérive, ça ne veut pas dire que forcément la personne qui a sombré dans la dérive, il voulait le mal. Beaucoup, et la majorité, beaucoup de gens qui ont sombré dans des dérives, eux, beaucoup d'entre eux, voulaient le bien. C'est pour cela que le savoir est une lumière. C'est pour ça que le prophète, en salam, a exhorté, a incité sa communauté à apprendre, pour justement être épargné, être à l'abri des dérives. Alors l'auteur, c'est ça qu'il fait allusion. Et donc, وَكَذَلِكَ Et il dit, ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur, ce qu'on nie, ses noms sublimes et ses attributs de perfection. Il dit, min al-jahmiya, wal mu'tazila, wal ashahira, wa man sara ala nahjihim, ma qadarullah haqqa qadri, salabuhu, kamalahu, wa azamata, wa ja'aluhu, mujarradan anil asma, wa sifat, fa sara mustahilan, aw ma'duman, fa nasallaha, kama qala, al-afiyya. ومحبته وغضب وغضبه كذلك نثبت لله سبحانه وتعالى صفة المحبة وصفة الغضب الغضب لله عز وجل وهذه من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية وهذه أمثلة وإلا فالكلام على من نفى الأسماء والصفات فهذا ما قدر الله حق قدري حيث وصفه بالعجز ووصفه بالنقص وشبهه بالجمادات. Pour terminer ce sujet, dans les premiers siècles, parmi ceux qui ont nié les attributs de perfection, eux, en quelque sorte, ils voulaient, à l'inverse, attribuer la perfection au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc, de ce fait, Satan les a menés à nier les attributs du Créateur. À nier les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Or, le croyant, lui, dans son apprentissage des noms sublimes et son affirmation de ses noms et des attributs d'Allah, il apprend à connaître son Créateur. Par l'apprentissage de l'asma wa sifat, on apprend à connaître notre Créateur. Et pour le croyant, c'est la chose la plus chère pour lui, la plus importante, ma'rifat Rabb, ma'rifatullah, connaître son Créateur. Pourquoi? Parce que le croyant se prosterne, s'incline, prie, implore. Pour qui? Son Créateur. Qui est son Créateur? Allah nous informe à son sujet, pour qu'on puisse le connaître. Plus on connaît Allah Azza wa Jal, plus on va connaître l'immensité de sa miséricorde, plus on va espérer cette miséricorde. Plus on connaît notre Créateur, donc on connaît aussi qu'Allah Azza wa Jal se met en colère. Il a l'attribut de la colère, qui est confirmée. Le jour de la résurrection, le prophète sallam nous enseigne dans un hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala va se mettre en colère d'une colère dont il ne s'est jamais mis en colère. Le mawqif, la situation sera très dure pour les êtres. Ce hadith-là prouve qu'Allah peut se mettre en colère. Des tendances sont venues, on dit non. On ne peut pas dire cela parce qu'on fait ressembler, on compare le Créateur aux créatures. On ne peut pas dire ça. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Vous comprenez lorsque l'auteur dit ça? En fait, cette négation, c'est qu'ils n'ont pas estimé. Pourquoi? Parce que Radabullah est incomparable. Allah nous informe à son sujet, qui peut se mettre en colère. Mais on ne peut pas se l'imaginer. On n'a pas le droit de s'imaginer comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal se met en colère. Le croyant ne va pas jusque-là. Il y a des limites. On y croit, le comment, on ne sait pas. Est-ce qu'on s'imagine comment? Non. Est-ce que c'est comparable? Non. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal se met en colère? Aynaram. Peut se mettre en colère? Aynaram. Comment? Allahu a'lam. On ne sait pas. Est-ce que c'est comme notre colère à nous les êtres humains? La abadan. Jamais. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui est comparable à lui. Hadihi aqidatu sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la croyance des compagnons du prophète depuis les premiers temps. Ebshir, ebshir ayyuha sunni. Ebshir bil khayr. Prends cette bonne nouvelle, ô toi le sunni, qui est sur la voie des compagnons du prophète, sallam, que près de 15 siècles après, tu es sur la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ne se sont jamais posé les questions sur ça. Les textes descendaient, la révélation descendait. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il s'attribue des noms et des attributs. Jamais les compagnons se sont posé la question du comment. Jamais posé. Ils ont affirmé. Et c'est pour ça que dans les premiers siècles, déjà les grands imams écrivaient des poèmes en exhortant le musulman à s'attacher aux enseignements anciens. À s'attacher aux enseignements anciens. Comme il est dit par le fils d'Ibn Abi Daoud lorsqu'il disait « Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluqi kalamu malikina » Il le disait des premiers siècles. Dans le premier siècle, il disait « Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda » « Accroche-toi bien au câble d'Allah wa tabi'il huda » et suis la guidée. « Wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu » Et ne sois pas un innovateur, n'innove pas dans la religion. Rapporte pas des enseignements ou des choses qui n'ont jamais été enseignées. Ne dis pas des choses qui n'ont jamais été dites. Ne pénètre pas des enclos dont il nous est défendu de les pénétrer. وَلَا تَكُنْ بِدْعِيًا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ. Donc ne sois pas innovateur, et l'auteur dit لَعَلَّكَ تُفْلِحُ. Peut-être connaîtras-tu